papier, ton nom d'identité. Aïe, aïe, présente le papier. Aïe, aïe, les armes à vous briser. Avec les balles partout, l'entrée des tas de sous. Les amis n'ont pas de sous, mais c'est plus. Les doigts dans le cou, c'est pas vraiment un barbecue. Mais y'a pas ça, on n'a pas de sous. Et nous, on a été juste pour trouver.